Du 22 au 24 juin, participe au week-end des régates de Saint-Félicien. Les régates, c'est 75 hydroplanes et des équipes de partout en Amérique. C'est aussi la soirée de démonstration de voitures de performance. C'est des spectacles à tous les soirs. Venez aussi en famille et profitez de la zone familiale avec jeux gonflables, clowns et maquillage pour enfants. Joins-toi aux 5000 visiteurs annuels et achète tes billets en ligne au régatesdesaintfélicien.com. Les Capitals de Washington ont remporté leur première Coupe Stanley. Les Capitals qui sont arrivés dans la Ligue nationale en 1974-75. Et question un peu de savoir un gars qui a connu la première époque des Capitals. Il est arrivé un an et demi après. C'est Robert Sirois. Salut Robert. Salut Dan, ça va bien? Ça va bien, ça Dan va. Dan ou Danny? Danny. Mais les gens m'appellent Dan à cause de Dan Radio Sport. Hey Robert, 74-75. Moi, je me rappelle des Capitals. Écoute, j'ai 46 ans. Les premiers souvenirs des Capitals que j'ai, c'est Dennis Mrook, Mike Garner. C'était pas une si mauvaise équipe que ça. On parle des années début des années 80, si je ne m'abuse. Là. Oui, c'est ça. Fin 79. Ben, la saison 79-80 que tu parles à ce moment-là, ouais. Avec. Quand tu parles de Dennis Mero, que tu parles de Mike Gartner, oui. OK. Comment c'était au début? Moi, je suis arrivé là le 15 décembre 1975. OK. J'ai été changé des Flyers de Philadelphie aux Capitals de Washington pour John Paddock. John est un ailier droit qui était instructeur, je pense, à Winnipeg puis à Ottawa, si je ne me trompe pas. John Paddock, c'est ça? OK. C'est ça, John Paddock. Et puis, quand je suis arrivé là, je vais te dire, là, l'équipe souffrait. C'était Milt Schmidt, Red Sullivan, des gens qui étaient déjà âgés dans 60 ans de passé. On parlait de 70 ans et plus même. Et puis, l'équipe était composée surtout de vétérans de la Ligue nationale de hockey, mais des gars comme Tom Williams, qui était dans la trentaine avancée, Ace Bailey. C'était très, très vieux comme équipe, comme vétéran. Okay. Il y avait quand même des jeunes d'un certain talent qui avaient été repêchés par les Capitals ou qu'ils avaient ramassé lors de leur repêchage intra-ligue, mais c'était très difficile. Mon premier match, c'était contre les Flyers, c'était pas si pire. Puis comme n'importe quel joueur qui arrive avec une équipe, sa nouvelle équipe, mais il marque tout le temps contre son ancienne équipe. Fait que c'était mon premier but que les Capitals, c'était contre les Flyers. Mais le surlendemain, on jouait à Buffalo. On a perdu 12-2. Mais c'était ça les équipes d'expansion, Robert. Là. Tu vas me dire, tu as parlé d'équipes vieillissantes. Il y a des équipes d'expansion. Là. Ce qu'on a vu avec Vegas cette année, c'est exceptionnel, c'est incroyable. Et à quelque part, Bettman voulait que ça marche à Vegas. C'est pour ça que les conditions étaient là. Mais il y a eu du bon coaching staff également. Mais tu regardes ça, les Sénateurs d'Ottawa, c'était pas rose en 92 quand c'est arrivé, là. Non plus, là. Non, Ottawa, tous les repêchages, la seule organisation, je peux dire, que c'est bien structurée, c'est celle des Islanders de New York, ouais. Qui, dès leur premier choix de repêchage, avait été Denis Potvin, qui est devenu capitaine rapidement. Mm. Quelques années plus tard, il suivit Brian Trottier, puis quelques années plus tard, Mike Bossé, puis là, t'avais des gars comme Clark Gillis, tu sais, eux ont très bien construit leur organisation avec des choix de pêchage. OK. Si on parlait un peu des Caps, et l'engouement, est-ce qu'il y avait un engouement? Il y avait une base de fans, là, de gens. Faut pas oublier que Washington, c'est en dehors de la capitale des États-Unis, c'est une capitale mondiale, mais parlons de la capitale des États-Unis, où ce que t'as des milliers de personnes qui viennent du Nord, c'est-à-dire qui viennent de New York, qui viennent de Boston, qui viennent de Chicago. Ouais. T'avais l'ambassade canadienne qui, à ce moment-là, la bâtisse faisait un bloc complet dans le centre-ville de Washington avec 5000 et plus employés, des gars de l'armée, toutes sortes de gens. Fait que déjà, tu avais une assistance sur semaine, parce que faut faut pas oublier, l'aréna n'était pas à Washington même, était située sur le bord de la route. C'était à Landover, c'est ouais, ça? À Landover, Maryland. On n'était pas loin du centre-ville, mais ouais. Pour situer les gens un peu, disons que Landover, c'était un petit peu comme Boisbriand ouais. Pour le centre-ville de Montréal. Un peu comme où l'Armada joue, là. Ouais. C'est à peu près à distance que c'était de centre-ville. Puis c'était un peu comme l'aréna à Ottawa, où t'avais une entrée puis une sortie. OK. Puis notre assistance venait surtout de la Virginie du Nord, qui est collée sur DC, mais que la Virginie du Nord allait au Maryland, à Landover, c'était quand même un 40 minutes. Notre base était là. Alors, sur semaine, on attirait entre 8 et 10 000 personnes. Les fins de semaine, on était tout le temps près du sold-out là, de 18 000. C'était quand même popé. Moi, j'étais allé à Baltimore l'année passée, Robert, puis c'était une heure de Washington. Là. Donc, est-ce que ouais. Du côté de Baltimore, il y avait un peu de monde, il y avait un peu d'engouement? Ou... Oui. On avait des partisans dans la région de Baltimore aussi. Puis de Baltimore à l'aréna à Landover, c'était 30 minutes, 25-30 minutes. Okay. C'était vraiment pas loin. Fait que... au point de vue de gens qui connaissaient le hockey, c'est certain que la majeure partie de l'assistance qu'on avait, de 75 à 80, je dirais, c'était des gens qui connaissaient bien le hockey et avec certainement qu'on s'est créé une base de fans qui étaient ouais. des nouveaux amateurs de hockey. Mais tout le temps, au moins, le jour d'un match, on avait tout le temps une page dans le Washington Post et le Washington Star, qui n'existe plus maintenant. Et le lendemain des matchs, la même chose. Okay. Bon, pour ce qui était d'avoir des nouvelles des autres matchs dans la LNH, il y avait peut-être un quart de page, rarement une demi-page. T'avais le classement, c'est certain, comme on voit dans tous les journaux, les pointeurs, c'est tout. Ben, dans les années 80, par contre, les matchs n'étaient pas tout diffusés. Même les Canadiens, les matchs n'étaient pas tout diffusés. Mais est-ce que vous aviez un réseau quand même qui télédiffusait vos matchs? On avait un réseau radio qui transmettait les 80 matchs, parce que 80 matchs et non 82. Et puis, télévision, on avait... je pense qu'on n'avait pas loin d'une au moins une douzaine de matchs à la télévision locale. Okay. Et puis, il faut pas oublier dans ce temps-là que NBC avait le Game of the Week. Les dimanches après-midi. Et je sais qu'on a été au moins deux, trois fois par année dans cette période-là où Washington jouait pour Game of the Week. Là. Okay. Y a-t-il un moment donné, le Game of the Week? Ouais. Robert, y a-t-il un moment donné où que la concession a été menacée? Moi, à ma connaissance, non. Comme je te dis, je me rappelle les 14, mes premiers souvenirs, c'est 81 et 82. Là. Mais y a-tu des moments où la concession a été menacée? Je pense pas. Hein? En 81, il est arrivé quelque chose, ou en 81 ou en 82, là, juste à la fin de ma carrière, ma carrière s'est terminée parce que j'ai eu deux ruptures de disque au dos et la jambe gauche paralysée. Mais à ce moment-là, oui, il y avait il y avait une rumeur qui disait que les Capitals et les Bullets, parce que le Capitol Center c'était privé par un multimilliardaire juif de la région qui s'appelait Abe Pullen, qui lui a transféré son équipe de basketball qui était les Bullets de Baltimore à Landover, Maryland. C'était peut-être une des raisons pourquoi il ne voulait pas être trop loin de Baltimore non plus. Là, il était à mi-chemin entre Baltimore et Washington, disons plus près de Washington que de Baltimore, mais pas loin non plus. Et puis, lui avait construit le Capitol Center, c'était merveilleux comme édifice en 74. Là. Ouais. Sa première place avec des écrans géants en plein centre de la patinoire avec des reprises, tout le tralala. Les Bullets étaient champions du monde. Il attirait 8-10 000 personnes. Il y avait des plus petites distances que nous, puis c'était les meilleurs de NBA. Ouais. Mais faut pas oublier, là, puis on va parler un peu de racisme, là. Faut oublier que dans les années 70, aux États-Unis, les Noirs et les Blancs, puis surtout dans la région de Washington, se mélangeaient pas trop. Ouais. Les Noirs étaient surtout au centre-ville de Washington, qui s'appelle le District of Columbia. Et puis, eux venaient pas au hockey, ils allaient seulement qu'au basketball, puis vice-versa. Les Noirs ne venaient pas au hockey, les Blancs venaient au hockey. Fait que les assistances pour les Capitals étaient blanches. Et puis, des assistances pour les Bullets, et... c'était poivre et sel. C'est-à-dire qu'il y avait plus de poivre qu'il y avait de sel. OK. Robert, il y avait, moi... fait que lui avait répondu aux médias qui se posaient des questions, justement. Oui, parce que ça a fait, ça a duré à peu près une semaine et demie, cette histoire-là. Ça a fait le tour un peu partout. Lui avait dit, bon, moi, c'est pas un problème financièrement. Il dit, je perds de l'argent avec les deux équipes. Mais rien que un ou deux concerts rock ne, n'aidera pas dans ma situation financière. Fait que le Capital Center était un peu comme le Madison Square Garden, le Centre Bell. Il y avait des événements à tous les jours là-bas, puis le monsieur se portait très bien au point de vue. Le Capital Center faisait de l'argent, mais les Capitals et les Bullets perdaient de l'argent. Okay. Au bout de la ligne, ils n'étaient pas perdants. Si tu permets, on va faire une pause et on va revenir. Oui. J'ai deux questions à poser. Vous êtes à l'écoute de notre avec Robert Sirois sur les ondes de danradiosport.com. Du 22 au 24 juin, participe au week-end des régates de Saint-Félicien. Les régates, c'est 75 hydroplanes et des équipes de partout en Amérique. C'est aussi la soirée de démonstration de voitures de performance. C'est des spectacles à tous les soirs. Venez aussi en famille et profitez de la zone familiale avec jeux gonflables, clowns et maquillage pour enfants. Joins-toi aux 5000 visiteurs annuels et achète tes billets en ligne au régatesdesaintfélicien.com. On est de retour à danradiosport.com. Et Robert, j'ai essayé de te garder pour deux questions. Premièrement, es-tu toujours, es-tu toujours un Capitals dans l'ombre? Ah ben oui, parce que moi, mon équipe, bien que j'ai été repêché par les Flyers, puis que j'ai toujours été bien traité, puis je n'ai pas vraiment, jamais vraiment fait partie de l'alignement. C'est la raison pourquoi ils m'ont échangé, ou aussi ma blessure au dos que j'avais subie au tout début à Washington, à Philadelphie, à contrat de 5 ans. Là. Eux étaient intéressés de se débarrasser de moi le plus rapidement possible, puis ils ont trouvé preneur. Ben oui, pour moi, c'est Capitals. C'était toute ma vie dans la LNH. J'ai représenté Capitals au match des Étoiles en 78. Dans les années 70, je suis le deuxième marqueur de l'équipe. Le premier, c'est Guy Charron. Le deuxième, c'est moi. Et puis, tu sais, c'était... pour moi, c'est Capitals dans l'ombre tout le temps. Là. Toujours été un Capitals. Je suis fier d'avoir été repêché par les Flyers. Je suis fier d'avoir... percer cet alignement-là, qui était très difficile en 74, 75, et même 75, 76, mais pour moi, c'est je fais partie de l'association des anciens des Capitals. Tu y vas à Washington de temps en temps? Non, la dernière fois j'y étais, c'était lors du match en 1979, c'est, 89, excuse-moi, c'était le 15e anniversaire des Capitals. Okay. Et puis, il y avait un match d'anciens, j'y étais. Ils en ont fait un autre 10 ans plus tard, en 99. Je pouvais pas m'absenter à ce moment-là. J'aurais bien aimé y aller, mais mon entreprise me permettait pas de pouvoir me libérer pour les 3-4 jours de party là-bas, parce que c'est ça que c'était. Mais je suis toujours en contact avec plusieurs des joueurs. Puis c'est un fait, ça, hein? Plusieurs des joueurs qui ont porté l'uniforme des Capitals, ne serait-ce que des gars qui ont eu des carrières de 30, 40, 50 matchs maximum dans la Ligue nationale, tous avec les Capitals, habitent encore tous la région de Washington. Ah, OK, c'est bon. Ben, Washington, il y a de l'argent, il y a beaucoup d'argent. Là. Si tu me corriges, je me trompe, c'est la capitale américaine, c'est très politique. Il y a de l'argent comparativement à Baltimore. Moi, je me suis pas rendu à Washington l'année passée, mais j'ai vu Baltimore. C'est complètement différent. C'est deux mondes différents. Robert, faut comprendre, tu as 3 aéroports à Washington. Tu sors un lundi soir là, à Washington. C'est la capitale internationale. Hein. Tu sors un lundi soir, c'est comme un vendredi soir à Montréal, sur Crescent. Là, tous les restaurants sont pleins tous les jours. Tu sais, c'est des touristes, il y en a des milliers qui rentrent tous les jours là-bas. Là. Ouais. C'est une ville qui est très active. Même si tu n'as pas été à Washington, penses-tu que les Caps, ça n'a pas été une franchise sans nécessairement être dans les top 5? C'était quand même une franchise en santé depuis qu'Ovechkin est là. La conquête de la Coupe Stanley, qu'est-ce que ça va rapporter pour les Caps? Ah, ben ça vient d'apporter, on va le voir l'an prochain puis les années qui vont suivre, mais si tu as regardé le match comme moi, là, à la télévision, avez-vous vu la la foule qui était à l'extérieur Verizon Center, là, c'est... puis en plus, ils n'ont rien cassé en ville. Hein. C'est pas une ville canadienne. Ça faisait 25 ans aussi qu'une équipe n'a pas gagné. Ça faisait 25 ans qu'une équipe à Washington n'avait pas gagné rien. La dernière fois, c'était les Redskins en 92. Fait que, mais là, est-ce que tu penses c'est que... C'est la ville des Redskins. En passant, c'est la ville des Redskins. Ouais. C'est la ville du Maryland University qui est en plein cœur de Washington, de Georgetown University, des Nationals au baseball, des... Écoute, c'est une ville très, très, très sportive avec beaucoup de sports qui jouent là. Les Wizards. Et les Capitals, ouais, c'est ça, maintenant, ils portent le nom des Wizards. C'est une ville qui vient de mettre les Capitals, même si c'était gros présentement à Washington dans les médias là-bas. Je pense qu'ils viennent de monter une autre marche là sur le podium à Washington comme étant une des grosses concessions sportives là-bas. Okay. Ça, ben, Robert, gros merci. On va se reparler peut-être un autre tantôt. Je sais qu'on se parle des tantôt sur les médias sociaux. Fait qu'on s'est connus là-dessus. Fait qu'un gros merci. Peut-être au plaisir de se parler. C'est moi qui te remercie. Puis au plaisir de se rencontrer en personne. Vous habitez dans quel coin? Dolbeau-Mistassini au lac Saint-Jean. Au lac Saint-Jean-de-Dolbeau. Ah, c'est un beau coin. Dolbeau-Mistassini. C'est un beau coin. J'étais là avec la tournée des anciens de la LNH il y a plusieurs années. J'adore. Là. Ah ouais, ben, on est du bon monde. Wow, c'est certain. Ben, Robert, les femmes les plus jolies au Québec sont au lac Saint-Jean-Paul. C'est vrai. Robert, c'est moi. Mon message est passé. Bye-bye. Robert, c'est moi, ancien porte-clair des Capitals de Washington.